Yeah. Sheesh. So, Zaga. Let's get it, let's get it. Oh, Jolie Gizzy. Mama, si t'as n'est pas facile. Ah, non, non, non. Hey, comme un chimiste. Mélange la potion, ça me fascine. Faut pas jouer. Si tu peux pas assumer. J'ai dit, faut pas jouer. Si tu ne peux pas assumer. C'est encore nous. Qui manque l'histoire, c'est encore nous. Qui fait la loi dans la ville, c'est encore nous. Qui fait la voisine, c'est encore nous. Qui va faire du sale ce soir, c'est encore nous. Hey, déclassé. Abonné, c'est déclassé. Le travail paye. De la moula de merci, je veux me surclasser. Ah, oui. Avec moi, je veux finir. J'ai de quoi changer ta vie, baby. Oh my God. Follow me. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on dit? Avec moi, je veux finir. J'ai de quoi changer ta vie, baby. Follow me. Boule de, boule de, boule de. On arrive en boule de, boule de, boule de, boule de. On arrive. L'argent sale passera en lavant. Ben oui. Hey, j'en te fais mini. Oui. C'est pour la vie où t'es de passage. Hey, cette femme me donne beaucoup d'amour. Hey, comme si c'est excusé de l'esclavage. Hey, charismatique, j'fais des ravages. Hey, pareil gentil, j'peux être sauvage. Hey, venu illuminer. Contre la défaite, j'suis immunisé. Le flow illimité. Jamais comme moi, pas la peine d'imiter. Hey, dépassé. Ta concu est dépassé. Mon Ferrari, mon cœur aussi. Je veux me détacher. Ah, oui. Oui, oui. Avec moi, je veux finir. J'ai de quoi changer ta vie, baby. Oh my God. Follow me. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on dit? Avec moi, je veux finir. J'ai de quoi changer ta vie. Cas dans la maison. Game over. Let's get it, let's get it. Let's get it, let's get it. On arrive comment? Dis-le. On arrive en boule de. Boule de. Boule de. On arrive en boule de. Boule de. Boule de. Boule de. Chiche. Eh, tu pourras sortir tous les blablas du monde. Ça sert à rien, frère.